L'association du Centre-Sud des Coréens aux États-Unis a publié le 9 juillet une déclaration en signe de soutien à l'ouverture du rendez-vous pan-national pour la paix et la réunification indépendante de la péninsule coréenne. Par ailleurs, le journal d'Internet des Coréens aux États-Unis, Minjok Tongsin, a inséré un écrit de son éditorialiste qui soutient l'ouverture du rendez-vous précité.